If you can friend me, shroud and store, blood of Lindy, blood so. Marche lent, pas pour le style, mais parce que je porte trop de poids sur le pile. Chaque stream, chaque mot, c'est une lame, et mes viewers savent que je viens de la flamme. Pas de pose, pas de drip superficiel, je fais pleurer la basse comme un évangile. Ma croix, c'est mes lignes, mon flow, ma gifle, et mes ennemis, je les bénis, puis je les défile. Oh Lord, he walks through fire. Ride a skill, don't break, he rises. Higher chains can hold what faith inspire. Drill or prayer, he's born in tire. J'suis pas dans vos règles, j'suis dans le temps d'avant, là où les battements font trembler les bombes. La chair est faible, mais le beat est pur, et j'graille les traites comme pain d'hôtel dur. T'es pas prêt pour l'église des vrais, où chaque phrase te découpe net. J'suis pas rappeur, j'suis prédicateur, et c'est le son qui me sert de moteur. Raise your hands, let the devil fall. Grace is loud, but the faith is tall. J'ai péché, ne jamais triché. Et dans ce son, je suis saint et sauvage.